l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le printemps s'est installé durablement sur l'Europe de l'Ouest et sur la France en particulier, avec pour effet immédiat le placement en alerte sécheresse de 15 départements avec restriction d'eau à la clé. Alors que nous ne sommes que début mai, ces phénomènes de sécheresse anticipés sont de plus en plus récurrents et peuvent même se produire de façon ultra rapide, dans ce qu'on appelle des flash droughts, des sécheresses éclairs. Un phénomène qui épargne pour le moment le vieux continent, mais qui frappe l'Asie du Sud-Est, l'Australie ou certaines régions des États-Unis. Que sont ces sécheresses éclairs? Comment se produisent-elles? Est-il possible de lutter contre? La sécheresse est-elle sèche ou archi-sèche? C'est le programme Déshydraté qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ces phénomènes de sécheresse en règle générale et aux sécheresses éclairs en particulier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex de chez nos camarades de Tours à France Bleu Touraine, Isabelle Lajeunesse, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe de l'environnement au laboratoire CNRS CITER de l'Université de Tours et co-autrice avec Philippe Quevaux-Villet de Changement climatique et cycle de l'eau. C'est aux éditions Lavoisier. Et nous sommes ici en studio avec Agnès Ducharne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS et spécialiste en hydroclimatologie à l'Institut Pierre-Simon Laplace au laboratoire Métis à Paris. Mais on commence par celle qui fait la pluie et le beau temps sur l'actualité scientifique. C'est Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Medicine. La thérapie par cellules CAR-T a été utilisée pour lutter contre les cancers digestifs. Et on assiste à l'heure actuelle à ce qu'on appelle la révolution de l'immunothérapie des cancers. Et les thérapies par cellules CAR-T suscitent beaucoup d'espoir. Alors cela consiste à extraire d'un patient ses lymphocytes T, qui sont très importants dans la réponse immunitaire. Mais avant de les lui réinjecter, on les modifie génétiquement pour les recibler spécifiquement contre des cellules tumorales. Alors pour l'instant, ces thérapies ont deux limites. Une limite d'efficacité, elles n'ont jamais été efficaces que dans des maladies hématologiques, telles que des leucémies, des cancers du sang ou des lymphomes, mais pas dans des tumeurs solides. Et deuxième problème, c'est celui de la toxicité. Alors l'originalité de cette équipe chinoise, c'est d'avoir utilisé ces CAR-T pour les diriger vers des tumeurs solides, en ciblant un antigène tumoral particulier des tumeurs gastro-intestinales. Alors ce n'est qu'une étude clinique de phase 1, qui n'a été testée que sur 37 patients, mais ses résultats préliminaires sont encourageants. Éric Vivier est professeur d'immunologie à Aix-Marseille Université et président du Paris-Saclay Cancer Cluster. Dans les cancers digestifs, il y a plusieurs sortes de cancers digestifs. Il y en a qui sont de plus ou moins bons pronostics. C'est vrai que pour les cancers gastriques, on est dans ce qu'on appelle en anglais « unmet medical need », c'est-à-dire qu'on a besoin de trouver des traitements qui marchent mieux que ce qui peut être proposé à l'heure actuelle. Alors, du point de vue de la tolérabilité, cette étude peut être considérée comme étant positive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effet majeur nécessitant d'interrompre l'étude, et donc c'est la possibilité d'aller en phase 2 pour tester l'efficacité. Il faut savoir que les phases 1, elles sont designées par des biostatisticiens de telle manière à répondre à cette question précise. Il se trouve que aussi, c'est intéressant quand même de savoir s'il y a des signes d'efficacité, tout en sachant que, bien évidemment, ces données, quelles qu'elles soient, devront être prises avec une extrême prudence, car il ne s'agit pas d'études randomisées double aveugle contre placebo. On ne compare ici, dans cette étude de phase 1, rien. Donc il est très difficile de savoir si cette étude a été efficace ou pas, puisque, encore une fois, on ne compare à rien. Cela dit, on peut quand même comparer par rapport à l'historique, et effectivement, les données montrent là qu'il y a des signes d'efficacité sur un nombre assez intéressant de patients, avec une durée de la réponse qui est aussi intéressante, et l'ensemble de ces données, à la fois sur le côté de la safety, donc de la tolérabilité, et de l'autre côté des premiers signes d'efficacité, sont encourageants pour aller maintenant tester véritablement si ce traitement peut servir à quelque chose dans une phase 2. L'ensemble de la communauté déploie à l'heure actuelle un arsenal très large de thérapies immunitaires contre les tumeurs, et donc effectivement les résultats de cette phase 1 sont intéressants, encourageants, il faut les prendre avec une extrême précaution quant à leur efficacité, mais en tout cas ils ouvrent la porte de manière indéniable sur une phase 2. Et pour tout savoir sur ces différentes phases, vous pouvez comme chaque jour retrouver l'étude qui est publiée et que nous relayons à la fois sur notre fil Twitter @lamethodefc ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue hier dans la revue PLOS Biology, des cellules de testicules peuvent produire des spermatozoïdes, même après avoir été congelées pendant 23 ans. Oui, du moins chez les rats. Une équipe américaine a prélevé des cellules souches testiculaires de rongeurs et les ont congelées à des températures cryogéniques. 23 ans plus tard, ces cellules ont été réimplantées dans les testicules de rats infertiles. Même après avoir été congelées pendant 2 décennies, et bien que ce soit en quantité moindre, les tissus testiculaires ont pu produire des spermatozoïdes viables. Alors pour le moment, on ne sait pas si cette stratégie pourrait s'appliquer pour préserver les tissus testiculaires des jeunes patients qui risquent l'infertilité suite à une chimiothérapie. Pour le moment, on ne sait pas si ces résultats chez les rongeurs peuvent être transposables sur l'être humain. Une étude parue dans la revue Nature Neuroscience décrit une découverte anatomique. Il existe de minuscules canaux dans le crâne humain. Oui, une équipe internationale a découvert l'existence de centaines de canaux submillimétriques dans la calotte crânienne. Sur des souris, des traceurs fluorescents ont même montré que le liquide céphalo-rachidien ainsi que les cellules immunitaires de la moelle osseuse du crâne pouvaient circuler dans les deux sens, à travers ces canaux, et franchir la barrière hémato-encéphalique. Selon les auteurs, la moelle osseuse du crâne est à l'avant-poste de la surveillance immunitaire cérébrale. Cette découverte pourrait avoir des implications pour traiter les troubles neurologiques inflammatoires. Et enfin, la mission InSight a enregistré le plus puissant des tremblements de Mars. Et depuis son atterrissage en novembre 2018, le sismomètre CEIS a enregistré plus de 1300 tremblements de Mars. Le 4 mai dernier, CEIS a enregistré le plus puissant des séismes extraterrestres, un tremblement de magnitude 5 à l'échelle de Richter. Alors pour le moment, nous ne connaissons pas la source de ce séisme. S'il a été provoqué par une activité volcanique ou par un impact d'astéroïde, les données sont en cours d'analyse. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour un journal des sciences spécial, puisque on vous l'annonce, ou en tout cas on l'annonce depuis quelques jours maintenant, sous forme d'anticipation, de teaser dirait-on en anglais, l'Event Horizon Telescope, qui est un immense télescope à interféromètre qui fait la taille de la planète, il doit annoncer demain aux alentours de 15h heure française un résultat très attendu qui pourrait bien concerner le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, et en conséquence, nous aurons demain un journal des sciences spécial consacré à cette annonce. Le joli mois de mai où les fleurs volent au vent, en effet, il est joli ce début de mois de mai, il est très ensoleillé, il est peut-être même trop ensoleillé. Une quinzaine de départements sont déjà en alerte sécheresse et la météo des prochains jours ne laisse pas présager beaucoup de pluie, en tout cas pas suffisamment. Vous me direz, les problèmes de sécheresse en France, ça ne date pas d'hier. Et en effet, la preuve, cette archive d'interactualité, c'est en 1971. La météo est donc presque formelle. Vous pouvez sortir sans parapluie. Il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Pas de pluie aujourd'hui, pas de pluie hier, pas de pluie finalement depuis bien longtemps maintenant. Cette sécheresse, si elle ne déplaît pas aux citadins, inquiète en revanche de plus en plus les agriculteurs, les mariniers, et puis aussi, il ne faut pas les oublier, les marchands de parapluies et les entreprises spécialisées dans la fabrication des vêtements imperméables. Il est vrai que de l'avis de tous, la situation devient sérieuse. La France ne ressemble pas encore au Sahara, mais dans les campagnes, la terre est sèche, dure, cassante, et dans les rivières et les canaux, le niveau baisse chaque jour davantage. Alors ce matin, on peut se poser la question, cette sécheresse va-t-elle se poursuivre? Les records seront-ils battus? Eh bien, c'est bien possible, la météorologie nationale ne voit pas arriver beaucoup de nuages. Eh bien, on pense qu'au cours de la première quinzaine de novembre, il y aura peu de pluie. C'est-à-dire que les perturbations, il y en aura quand même quelques-unes qui traverseront la France, ne seront pas très actives. Maintenant, sans doute au cours de la deuxième quinzaine de novembre, la situation devrait s'améliorer avec des perturbations alors là beaucoup plus actives et des pluies plus abondantes. Voilà, alors si la situation des vendeurs de parapluies et d'imperméables ne s'est guère dégradée, celle en revanche du climat, eh bien, c'est un peu dégradé. La preuve, 50 ans après, le constat n'est pas bien différent, mais prêtez l'oreille dans cet extrait d'information qui date d'il y a 24 heures, eh bien, une expression nouvelle fait son apparition. Un débit exceptionnellement bas pour la saison pour ce cours d'eau dans le Var. La terre craquelée dans ce bassin de réserve presque asséché. Sur les deux tiers de la France, l'eau se fait rare, alors que les premières chaleurs guettent. Alors, quel est l'état des nappes phréatiques? Cet hiver, il n'a quasiment pas plu. Les nappes phréatiques n'ont donc pas pu se recharger. Une situation critique des niveaux historiquement bas pour la saison. Ce sont normalement ces nappes-là qui sont censées alimenter les cours d'eau lorsqu'il n'y a plus de pluie pendant l'été. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des cours d'eau beaucoup plus rapidement à sec. Et à la prochaine vague de chaleur ou à la prochaine canicule, on va se retrouver directement confronté avec des formes de sécheresse éclair. Alors, pourquoi la France connaît-elle une sécheresse précoce? Depuis le mois de janvier, on constate 35% de déficit pluviométrique et même 80% en région PACA. Tout est une question de jeu entre deux grands systèmes, l'anticyclone et les systèmes dépressionnaires. Et c'est vrai que parfois il y a des situations de blocage qui se mettent en place, et c'est ce qui s'est passé aussi cet hiver. On a eu beaucoup trop d'anticyclones et donc beaucoup trop de temps calme et pas assez de perturbations sur le pays. Mais le phénomène est-il irréversible? Les météorologues prévoient un été chaud, voire très chaud sur la majorité du pays. La sécheresse semble inéluctable. Il faut s'attendre à ce que ces sécheresses deviennent plus fréquentes et plus intenses dans les années et dans les décennies à venir, parce que simplement la température augmente, et cette température qui augmente prélève plus d'eau dans les sols par évaporation ou transpiration des plantes. Une situation inquiétante qui frappe toutes les zones jusqu'ici tempérées. Voilà, reportage donc tout récent sur la sécheresse qui frappe d'ores et déjà, et nous sommes seulement le 11 mai, une large partie de la France. Vous avez entendu peut-être cette expression, parce qu'il y avait un petit son de cloche pour vous aider, cette expression, c'est sécheresse éclair. Alors on va voir si elle est vraiment appropriée dans le cas de la France, mais simplement peut-être déjà une réaction l'une et l'autre à cette comparaison d'archives à 60 ans d'écart, de 71 50 ans d'écart, 71-22. Oui, c'est ça, c'est pas facile tous les jours. Oui, 30 plus 20, ça fait 50. Autant pour moi. Du coup, Agnès Duchard, une réaction à cette superposition d'archives. Bah, c'est intéressant parce que ça montre effectivement que les sécheresses, c'est pas un phénomène nouveau. Ce que j'ai cru comprendre de ce que j'ai entendu, c'est que celle de 1971, elle se passe en octobre. Celle de cette année, elle se passe en mai. Il y a déjà eu, ça fait déjà presque un mois que certains départements sont en tension. Donc, on est dans une situation que je qualifierais de sécheresse précoce et qui est quand même une nouveauté des dernières décennies. Oui, l'archive date exactement du 4 novembre 1971, donc effectivement à la fin de l'été. Isabelle Lajeunesse, une réaction également? Oui, je voulais vous confirmer. Donc moi, je suis en Indre-et-Loire, et là, ça y est, on a les premiers arrêtés sécheresse dont on commence à parler. Et pour réagir par rapport à les archives que j'ai pu entendre aussi, là, on est aujourd'hui dans une sécheresse hydrologique, c'est-à-dire que la recharge, elle ne s'est pas faite pendant l'automne, puisque chez nous ici c'est plutôt là qu'elle se fait, mais c'est assez général quand même sur la France, donc c'est là que l'eau va arriver, va couler, va s'infiltrer, va recharger nos nappes, va donner un débit de base dans nos cours d'eau, et si bien que l'eau coule. Or là, ce que l'on constate, c'est que le niveau dans les cours d'eau est bas et que la recharge n'est pas totale dans les nappes, et c'est là qu'on va aller puiser pour irriguer s'il fait chaud et qu'il y a besoin d'arroser. Donc pour l'instant, c'est une sécheresse hydrologique, et le message qui est en train de dire ici notre préfecture, c'est attention, s'il ne pleut pas, on est sûr qu'on va manquer d'eau. En tout cas, on n'aura pas la même quantité d'eau disponible que ce qu'on pouvait avoir quand la recharge était plus importante. Alors, vous évoquez la sécheresse hydrologique. On va revenir dans quelques minutes sur les différents types de sécheresse, puisqu'il y a des sécheresses distinctes. Mais on entendait cette expression dans l'extrait du journal tout récent d'une météorologue qui parle de sécheresse éclair. Agnès Ducharne, est-ce qu'on peut parler en Europe de sécheresse éclair, ou est-ce que c'est pour le moment un mot qui est un peu suremployé? Je dirais que c'est un concept qui reste nouveau et sur lequel on n'a pas encore un recul absolu. J'ai trouvé dans la littérature, là, il y a un article scientifique qui fait la revue de tout ce qui a été produit sur les sécheresses éclairs et qui est sorti l'année dernière et qui indique qu'il y a 49 définitions différentes des sécheresses éclairs. Et évidemment, selon la définition qu'on emprunte, on n'obtient pas forcément les mêmes résultats. Donc, il y a un certain nombre de diagnostics des sécheresses éclairs qui ont été faits à l'échelle du monde entier et il y en a en Europe. En revanche, c'est vrai que c'est un concept qui est rentré dans le vocabulaire courant et même des scientifiques qu'assez récemment. Alors on va chercher effectivement à le définir parce que c'est quelque chose d'assez récent. Isabelle Lajeunesse, peut-être que pour l'Europe, puisque de sécheresse éclair, on va voir qu'il s'agit quand même d'un concept très particulier qui correspond à des conditions climatiques très particulières. Il est plus juste de parler pour le moment de sécheresse précoce, de sécheresse anticipée. Alors, il y a deux choses. Alors, j'ai la même littérature que ma collègue, donc c'est l'article de Lison B des États-Unis. En fait, c'est les Américains qui sont très confrontés à ces sécheresses qu'on est en train de qualifier par rapport aux caractéristiques des données qu'on a. Donc, pour l'Europe aujourd'hui, on n'a pas encore parlé de sécheresse éclair, mais ça ne veut pas dire que les sécheresses n'existent pas, ces sécheresses éclairs-là. Éclair, ça veut dire, je pense qu'en fait, c'est l'envie de comparer à un autre phénomène extrême qu'on connaît, qui est le flash flood, donc une inondation éclair, qui est quelque chose qu'on a du mal à prévoir, et qui donc est soudain, et qui est fort, à fort impact. Et là, c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire là où on parle, où on cherche à parler de sécheresse éclair, parce qu'on voit que son installation est beaucoup plus rapide que les sécheresses auxquelles on était, entre guillemets, habitué au niveau historique, au niveau des données qu'on a pu capitaliser sur les sécheresses. Et donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui fait que ces sécheresses, en 5 jours, nous grillent, alors pardon pour cette expression, mais c'est un peu ça, tous ces territoires agricoles, comme ça arrive dans le centre des États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, le fait qu'on passe de un champ qui va bien à un champ qui est totalement flétri en 5 jours, pour une sécheresse, c'est très très très rapide, d'où la tentation de dire flash. Draft, pour sécheresse éclair. C'est ça. Agnès Ducharne, il y a quelque chose d'assez paradoxal aussi, parce que donc on voit aujourd'hui, on constate l'augmentation de ces sécheresses qu'on va appeler pour le moment précoces pour la France, par précaution, et en parallèle, on voit également se multiplier les flash floods, c'est-à-dire des crues spectaculaires, où d'un seul coup, on a des quantités d'eau gigantesques qui créent également des dégâts. Il faut bien comprendre qu'on a tout de même le sentiment que ça peut être un peu paradoxal. Or, malheureusement, ces flash floods, ces crues-là, ne sont pas du tout bénéfiques pour la terre, pour le terrain, ni pour les nappes phréatiques. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais avant tout, ce que j'aimerais dire, c'est que les sécheresses éclairs et les sécheresses précoces, ça n'a rien à voir en fait. Hein? Donc là, il n'y a rien qui caractérise une sécheresse éclair en ce moment. En ce moment, on est dans une situation de sécheresse précoce. Peut-être qu'elle se poursuivra par des épisodes de sécheresse intense éclair dans les mois qui viennent. Ça, voilà. Et après, le paradoxe entre le fait qu'il y ait des crues et des sécheresses, finalement, existe depuis tout le temps. Finalement, c'est deux extrêmes du fonctionnement hydrologique autour d'une moyenne. C'est ce qui existe pour à peu près tous les processus. Donc, il y a des événements extrêmes humide, c'est les crues, dans certains contextes des paysages, notamment dans le sud de la France, Cévennes, Provence en France, c'est très propice à avoir des crues éclairs, donc des gros nuages convectifs, des pluies très intenses et qui ensuite font des crues très rapides parce qu'en plus il y a de la topographie, alors que dans des régions de topographie plus plate et puis des précipitations d'origine océanique, on a des crues qui se développent plus lentement. Donc il y a déjà un contraste entre des crues éclairs et des crues plus lentes. Et puis pour les sécheresses, on est en train de mettre en évidence en fait que ces deux pôles aussi, ces deux termes existent, coexistent. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20, nous parlons donc de ces phénomènes de sécheresse éclair avec Isabelle Lajeunesse et Agnès Ducharne. Alors Agnès Ducharne, essayons de définir un peu de quoi on parle, quand est apparu ce terme de sécheresse éclair et qu'est-ce qu'il définit, quelle est la nature exactement de l'événement qui est regroupé, que l'on regroupe dans cette terminologie de flash drought ou sécheresse éclair. Alors c'est un terme qui date du 21e siècle, qui est apparu aux États-Unis. Autour des années 2010, il y avait déjà eu quelques utilisations un tout petit peu avant. Et la première grande sécheresse éclair aux États-Unis, c'est celle de 2012. Donc, comme en a parlé Isabelle Lajeunesse, qui s'est traduite donc par une sécheresse qui s'est intensifiée rapidement et avec des énormes conséquences en termes de pertes agricoles sur une grande partie des grandes plaines américaines qui sont une zone qui sont très propices aux sécheresses de manière générale. Et puis donc il y a eu des études pour essayer de caractériser ça. Et donc ce qui caractérise à mon sens les sécheresses éclairs, c'est que vraiment il y a une baisse de l'humidité des sols. Jusqu'à un seuil limite qui définit la sécheresse, et ça, la variété des définitions tient aussi à ce seuil à franchir pour être en déficit anormal, on va dire. Et puis, mais surtout, donc cette baisse est rapide dans le cadre des sécheresses éclairs, donc de une semaine à trois semaines, alors que pour les sécheresses plus classiques, on considère qu'il y a des déficits de pluie qui s'étalent sur plusieurs mois avant que la sécheresse se mette en place. Et par ailleurs, une autre caractéristique très fréquente des sécheresses éclairs, c'est qu'elles sont associées à des situations météorologiques particulières, avec de l'air très chaud et très sec, qui en fait est sans doute la cause de la sécheresse éclair, parce que donc cet air très chaud et très sec, comme le disait Robert Vautard dans un des reportages que vous mettiez en introduction, va favoriser une évaporation très forte par les sols, la végétation, qui va donc épuiser l'eau des sols très rapidement. Et donc la végétation qui est là, du coup, se retrouve en état de stress et de flétrissement très rapide. Très rapide et fort, oui. Isabelle Lajeunesse. Oui, oui, oui. Pour poursuivre dans l'explication, j'avais fait pour le journal scientifique une intervention sur un papier sur Nature Communication sur le phénomène. Et en fait, le papier se permet de parler en fait d'aridité atmosphérique. Ce qui se passe en fait, c'est que on a véritablement un déficit de pression de vapeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'air est chaud, et plus il peut contenir d'humidité. Donc en fait, il incite la plante, mais aussi le sol, à faire passer l'eau qui est contenue dedans vers l'atmosphère. Et cette relation, en fait, plus il fait chaud et plus l'air peut contenir d'humidité, donc plus ça peut faire transpirer le sol et évapotranspirer la plante, c'est pas une droite. Si bien que, avec ce qu'on est en train d'observer d'accélération du changement climatique, on a une forme de brutalité dans l'impact parce que ça s'accélère aussi dans les formes d'impact qu'on peut avoir, et là notamment aux États-Unis, comme ça a été constaté, par rapport à l'atteinte du point de flétrissement agricole. C'est-à-dire que la plante, elle a besoin d'une certaine quantité d'eau dans le sol quand elle grandit en fonction de ses différents stades. Si elle n'a pas d'eau à un moment, en fonction de sa résistance à la sécheresse, elle peut survivre, mais jusqu'à un certain temps. Là, avec cette sécheresse, cette aridité atmosphérique, avec des conditions atmosphériques particulières, et cette forte évaporation, évapotranspiration, en 5 jours, la plante meurt. Alors, soit c'est de la faute de la plante, mais comme on commence à constater le phénomène à différents endroits aux États-Unis et un petit peu en Chine aussi, ben on se dit qu'il se passe peut-être quelque chose au niveau météorologique et climatique qu'on pourrait peut-être caractériser, donc comme on le disait tout à l'heure avec Agnès Ducharme, de sécheresse éclair. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce qu'on peut la prévoir ? Comment on la caractérise ? Oui. Et comment on peut la prévoir ? Alors, on reviendra sur cette question qui est évidemment très très importante. Dans un instant, on va essayer de comprendre, et c'est très important parce que vous évoquiez tout à l'heure, Isabelle Lajeunesse, les sécheresses hydrologiques. Il y a d'autres types de sécheresses, les sécheresses météorologiques et les sécheresses agricoles. En l'occurrence, Agnès Ducharme, les sécheresses éclairs seraient plutôt des sécheresses agricoles pour le principe que vient de décrire Isabelle Lajeunesse, à savoir le fait qu'il y a effectivement ce déficit de pression de vapeur et cette évapotranspiration excessive des plantes qui va complètement assécher les sols agricoles. Oui, je dirais, je suis d'accord avec cette interprétation-là. Pour moi, c'est un type de sécheresse agronomique qui se développe très vite. Et évidemment, les sécheresses agronomiques, donc qui concernent l'humidité des sols et la végétation qu'elles soutiennent, notamment les cultures ou les forêts d'ailleurs, tout comme les sécheresses hydrologiques, qui sont des déficits d'eau dans les cours d'eau et dans les nappes, sont généralement induits par des sécheresses météorologiques qui correspondent à des déficits de pluie qui doivent en général s'exprimer sur une période suffisamment longue. Là, les sécheresses précoce qu'on vit en France en ce moment, dans les 15 départements concernés, c'est la résultante de déficits de pluie depuis tout l'hiver, en fait. Donc, un mix de sécheresse météorologique en amont, puis de sécheresse hydrologique. Ce qui est peut-être intéressant à noter, Isabelle Lajeunesse, c'est que effectivement, on imagine que la sécheresse est la résultante d'une température un peu trop élevée, donc d'un déficit de précipitations pendant un certain temps. Mais finalement, dans les sécheresses éclairs, la température n'est pas le phénomène le plus important. Quand même. Ah, quand même. Bon. En fait, c'est si la voulez, non, alors. Mais c'est ça. Comment dire? C'est un accélérateur, si vous voulez, la température. Parce que s'il fait froid, eh bien, on va moins évaporer, moins évapotranspirer. Donc, le phénomène va pas s'auto-entretenir, pardon, et s'aggraver. Et peut-être pour revenir sur les types de sécheresse. Donc c'est qu'il y a une progression en fait aussi de l'impact qu'il va y avoir. S'il pleut pas, c'est une sécheresse météorologique qui va avoir un impact sur l'hydrologie. Donc après, il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau, on parle de sécheresse hydrologique. Et puis quand on n'a ni l'un ni l'autre, et qu'en plus on est dans la période estivale où ça transpire, les plantes transpirent, ben, on va avoir une sécheresse du sol. Et si les conditions météorologiques ne s'améliore pas, c'est-à-dire que s'il ne pleut pas, parce que on peut toujours revenir en arrière. Si la pluie arrive, ça règle le problème. Ça, il faut le comprendre. On attend toujours la pluie. Dans ces cas-là, si la pluie arrive, ça se résorbe. Par contre, si la pluie n'arrive pas, bon, on peut parler de méga sécheresse, c'est-à-dire qu'elle va s'étendre d'un territoire à plusieurs territoires. Vous voyez? Oui, et si la pluie arrive, on se faisait un petit signe avec Agnès Ducharme, si la pluie arrive pas trop fort et pas trop vite. Parce que si d'un seul coup, on arrive sur un terrain extrêmement sec et sur une grosse sécheresse avec une pluie très abondante, ça peut aussi créer des dégâts et ça peut créer des flash floods. Des inondations, oui. Mais surtout, là, je parle pas vraiment sécheresse éclair, mais sécheresse en général. Les précipitations estivales sont toujours bonnes à prendre, évidemment, quand on est rentré en situation de sécheresse, qu'elles soient agronomiques ou hydrologiques. Mais elles peuvent ne pas suffire à revenir à des états normaux parce que en fait elles vont être tout de suite consommées par la végétation et notamment donc les précipitations estivales peuvent aider à amoindrir des sécheresses agronomiques mais ne vont pas forcément avoir un effet récupérateur pour les sécheresses hydrologiques et donc c'est généralement l'hiver suivant qui est la saison dans nos latitudes favorable pour ré-remplir tous les réservoirs hydrologiques qu'on revient dans un état normal, voire excédentaire, qui aidera à aborder l'été suivant. Isabelle Lajeunesse. Oui, donc là, on commence à toucher du doigt les limites de pouvoir dire quand est-ce qu'on a sécheresse, quand est-ce qu'elle se résorbe, quand est-ce qu'elle continue. On a besoin de données et ça dépend beaucoup toujours du contexte initial et de la pluie. Est-ce que c'est une pluie, comme le disait Agnès Ducharme, qui va imbiber le sol, qui va être utile à la plante? Si la plante est déjà morte, même s'il pleut, ça va pas nous la ramener, vous voyez. Donc ça va vraiment dépendre l'évolution du phénomène dans le temps. Et c'est vrai que plus on cumule, par exemple là, on est déjà dans une sécheresse hydrologique. En plus, on voit qu'il fait chaud. Et je sais pas à Paris, mais ici à Tours, en plus, il y a beaucoup de vent qui assèche en plus les sols. Ça concourt à entretenir le phénomène de sécheresse du sol et d'évaporation, vous voyez. Donc, ce sont vraiment des phénomènes qui normalement s'installent dans le temps. Et là, la sécheresse est claire, ça peut arriver très vite. Alors, l'une des conséquences principales de ces sécheresses éclairs, c'est l'importante diminution du rendement des plantes agricoles. Les plantes peuvent aller jusqu'à se flétrir, mais avant de se flétrir, eh bien, les sécheresses vont vraiment diminuer simplement le rendement, notamment, et on pense évidemment, puisque ce sont des terres agricoles, d'un certain nombre de céréales ou de légumineuses qui n'arrivent plus à fixer le carbone. Bonjour Luc Dutoit. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendu à Saclay pour comprendre précisément ce lien entre sécheresse et rendement agricole. Exactement. Les plantes sont des puits de carbone très importants, mais leur fonctionnement est altéré lorsque des sécheresses surviennent et leur capacité à absorber du carbone peut alors diminuer fortement. Lorsque ces périodes sèches durent, cela peut constituer des pertes en carbone très importantes. Et je suis allé à la rencontre de Philippe Siès, chercheur CNRS au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de l'université Paris-Saclay, qui essaye de comprendre comment les plantes réagissent face à ces événements de sécheresse. M'a intrigué, c'est l'effet de la vague de chaleur et de la sécheresse de 2003, qui était quand même la première sécheresse extrême qu'on a eue depuis longtemps en Europe. Et donc, à l'époque, on s'est réunis avec plusieurs collègues et on a essayé de regarder toutes les données disponibles pour essayer de savoir s'il y avait un impact sur la végétation. Et donc, ça a conduit à un article qui a été publié dans la revue Nature 2 ans plus tard, qui a fait en fait le premier bilan des pertes de carbone à l'échelle du continent européen. Et en gros, le résultat, c'est que pendant cet événement extrême, qui a en fait été important sur toute l'Europe de l'Ouest, l'Europe a perdu par sa végétation et les sols autant de CO2 que l'équivalent de 6 mois d'émissions de carbone fossile par l'industrie et la production d'énergie. Donc on s'est aperçu qu'à l'échelle continentale, une grosse anomalie de sécheresse, ça pouvait quand même compter dans le bilan de carbone. Comment on peut mesurer justement cet impact d'une sécheresse sur la captation de CO2 des différents végétaux? Alors en fait, on n'a pas l'outil magique qui permettrait de mesurer, par exemple, le flux de CO2 de la France. Ça n'existe pas. Mais on a quand même trois grands types d'outils qui sont intéressants. Les premiers, c'est des modèles. Donc c'est des modèles un peu complexes qui décrivent comment la végétation répond au stress hydrique, comment la respiration des sols par les microbes va s'amoindrir ou s'arrêter quand il n'y a plus d'eau dans le sol. Après, on a les satellites. Maintenant, on a quand même des satellites qui mesurent quelque chose qui est proche de la photosynthèse, comme la fluorescence de la végétation. Ça correspond à quoi exactement, cette fluorescence de la végétation? La fluorescence, c'est assez chouette. Ça permet de voir un peu l'état de santé proche de la photosynthèse de la végétation. Voilà. Et puis, on a aussi maintenant des satellites qui permettent de mesurer le contenu en eau du sol, au moins du sol superficiel, la température de la végétation et même la biomasse de la végétation. Et après, on a ces fameuses tours à flux. Alors une tour à flux, c'est un mât en quelque sorte qui sort au-dessus d'un écosystème, qui est équipé d'instruments de mesure qui fonctionnent automatiquement et qui mesurent à la fois la vitesse du vent et ses fluctuations turbulentes, hein, et puis la concentration de CO2, la température et l'humidité atmosphérique. Et en faisant en fait le produit de ces fluctuations qui sont liées en fait à la turbulence, on peut directement mesurer les flux de CO2 absorbés ou émis par la végétation, les flux de chaleur, on appelle ça la chaleur sensible, hein, et les flux d'eau, on appelle ça la chaleur latente ou l'évapotranspiration. Alors ce qu'on a observé donc pour la première fois grâce à ces tours à flux, c'est qu'on a vu quand même que dès le début de la sécheresse, finalement, la photosynthèse s'affaiblit, elle devient plus faible que pendant une année normale. Et puis, si la sécheresse continue et si elle dure longtemps, ben les plantes peuvent carrément s'arrêter de fonctionner en plein été. Et on a quelques sites, notamment la forêt de Hesse à Nancy, dans l'est de la France. C'est une forêt de hêtres. Les hêtres, ils sont assez vulnérables. Ils aiment pas la sécheresse. Hein. La photosynthèse s'est pratiquement arrêtée pendant, je crois, la semaine la plus chaude et sèche de 2003, quoi. Mais je crois que vous avez un graphique justement sur cette forêt de hêtres. Alors le graphique, en fait, il montre, je dirais, la courbe de photosynthèse. Et sans surprise, ça commence en mars et puis on a un grand plateau où c'est la photosynthèse des plantes est maximale pendant le pic de l'été. Puis après, il y a la sénescence et puis ça se termine quand les feuilles tombent en octobre-novembre. Et puis en fait, quelques jours après donc le début des premières vagues de chaleur et de sécheresse, on voit que la courbe en 2003 se détache de la courbe normale. Elle atteint presque le zéro, c'est-à-dire que les arbres arrêtent de capturer du CO2, hein, ce qui est pas très bon pour eux. Ils arrêtent aussi de transpirer de l'eau, hein, parce que c'est pas qu'ils aiment pas prendre du CO2, c'est qu'ils peuvent pas se permettre de perdre de l'eau, en fait. Hein. C'est pour ça qu'ils ferment leur petite porte de la transpiration qu'on appelle des stomates. Donc on a en fait un effet qui est très significatif. La photosynthèse peut pratiquement s'arrêter quand les plantes ont plus d'eau. Et comment il peut y avoir un espèce de peut-être cercle vicieux, c'est-à-dire plus il y a de sécheresse, moins les puits de carbone végétaux fonctionnent, et donc plus il devrait faire chaud à l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déjà mesurer, observer? Est-ce que c'est quelque chose qui risque de vous intéresser à l'avenir aussi? Alors oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a en quelque sorte une spirale de la mort voilà. des arbres Je dirais oui et non, parce que les arbres ont quand même plein de mécanismes de résistance, ils accumulent du carbone dans les réserves, et donc même s'ils prennent pas de carbone une année où la photosynthèse a été désastreuse, ils arrivent quand même à faire des feuilles l'année suivante, hein. C'est ce qu'on a observé par exemple sur la forêt de Hesse, parce que ben ils ont gardé des réserves dans leur garde à manger, et ils ont de quoi ressortir des feuilles, donc ils meurent pas tout de suite. En fait, ce qui est dangereux pour eux, c'est ce qu'on appelle l'embolie ou la cavitation, c'est que quand l'atmosphère est trop sèche, il y a beaucoup de demandes en eau, et quand le sol peut plus fournir l'eau, il y a une tension en fait, les molécules d'eau peuvent plus passer depuis le sol vers l'atmosphère, et ça produit en fait des bulles d'air dans les vaisseaux qui conduisent la sève. Et donc s'il y a beaucoup d'embolie, en quelques mois ou un peu plus tard, en fait, on a de la mortalité. Et puis il y a plein d'autres effets retard. Quand les arbres sont faibles, ils sont moins résistants à quelque chose qui se passe après. Et il y a des prédateurs qui en profitent, des pathogènes, notamment des insectes. Par exemple, après la sécheresse de 2018 en Europe, les arbres étaient un peu plus faibles et on a vu vraiment une explosion d'attaques d'insectes qui s'appellent des scolytes en fait, qui sont très dangereux parce qu'ils se mettent à plusieurs, ils font des trous dans l'arbre et à la fin l'arbre meurt. Et en plus, ça peut se propager pendant plusieurs années. Et donc, il y a effectivement plus de sécheresse, plus de vulnérabilité, plus de risques d'être attaqué et de ne pas survivre en fait à des attaques de pathogènes ultérieurs. Voilà ces liens entre sécheresse et croissance et de la végétation et rendement des plantes. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Isabelle Lajeunesse ? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est je rebondissais sur la problématique de cavitation et de l'embolie de la forêt. C'est quelque chose que qui est pris très très au sérieux hein, par les centres de recherche et quels que soient les endroits en France ou dans le monde. Et je sais que moi j'ai une ancienne étudiante qui fait un doctorat à Québec sur cette problématique sur les sapins. Or, penser à une sécheresse qui amène à une mortalité d'arbres à Québec, où franchement on manque pas franchement d'eau, ça nous dit autre chose sur le changement climatique, c'est que les extrêmes climatiques en lien avec la sécheresse sont pas forcément là où on a nos hotspots climatiques, nos points les plus chauds, par rapport à l'accélération de certains phénomènes de sécheresse. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on passe sur les impacts sur la végétation, si la végétation elle est pas habituée, si elle a pas cette résistance, puisqu'on a une accélération en ce moment du réchauffement climatique, ça peut vite être problématique. Donc je trouve que le lien était vraiment intéressant. Agnès Ducharme. Oui, dans les anomalies, on va dire, en quelque sorte, que le changement climatique en cours là est en train de nous montrer, on pourrait aussi citer la très grosse canicule qu'il y a eu en Colombie-Britannique l'année dernière, avec des températures qui ont flirté avec les 50 degrés, donc à des latitudes, enfin dans des régions qui normalement... En Australie, Non, en Colombie-Britannique, donc à l'ouest des États-Unis. À l'ouest des États-Unis, hein, et puis il y avait aussi il y a une grosse canicule aux États-Unis. Voilà. Il y a une grosse canicule en Australie aussi. Oregon aussi. Voilà. Mais et donc là, je crois pas qu'il y avait une sécheresse particulièrement forte, mais quand même, quand on a des températures aussi importantes, ça entraîne aussi des événements de sécheresse et puis des problèmes de stress de toute la végétation, parce que les températures très fortes, comme on l'a dit, les plantes ne sont pas faites pour les supporter. Voilà. On va continuer à parler de ces sécheresses, c'est clair, de la sécheresse en règle générale, de savoir, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Isabelle Lajeunesse, s'il est possible de les prévoir, de comprendre comment on peut éventuellement lutter contre. Ce sera dans quelques secondes musicales. C'est qu'il n'y a aucun nuage dans ce ciel de bleu, un pur paysage de rien que du soleil et de sécheresse. Aride, j'ai la gorge aride et vide. J'ai le bide à vide d'eau fraîche. Le débit diminue dans toutes les rivières à nu, sous de leur pore de vase sèche. Les lacs et les nappes d'eau à sec, anticyclones de haute zone, un temps d'obsèques, l'été, dromadaire exténué, cimetière de l'été, sécheresse. Sécheresse, sèche, sécheresse, sécheresse. Oh no! Sécheresse de Dick Annegarn à 16h40 sur France Culture, puisque c'est le thème de notre émission, les sécheresses en règle générale, les sécheresses éclairs en particulier. Nous en parlons avec Isabelle Lajeunesse, qui est géographe de l'environnement au laboratoire CNRS CITER de l'Université de Tours, et Agnès Ducharne, directrice de recherche CNRS et spécialiste en hydroclimatologie à l'Institut Pierre-Simon Laplace au laboratoire Métis à Paris. Mais comme tous les mercredis, à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Robin Noyel. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur la simulation d'événements sans précédent dans des systèmes chaotiques non autonomes. Comment change la dynamique des extrêmes climatiques? C'est une thèse au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Le 30 juin 2021, la station météo de la petite ville de Lytton, dans l'ouest canadien, a enregistré une température record de 49,6 degrés Celsius. C'est en fait l'ensemble de la région qui a été touchée par une vague de chaleur d'une intensité sans précédent. les records de température ayant été battus de près de 5 degrés. Des analyses statistiques ont depuis démontré que de tels extrêmes de température auraient été quasiment impossibles dans un monde sans réchauffement climatique. Mais l'augmentation moyenne des températures que l'on observe aujourd'hui sur l'ensemble de la planète n'est pas la seule responsable de ce record exceptionnel. Des conditions météorologiques particulières et rares ont également joué un rôle essentiel. De manière générale, l'effet du réchauffement climatique sur les extrêmes de température peut se décomposer en deux, un effet thermodynamique et un effet dynamique. L'effet thermodynamique désigne simplement le décalage des températures moyennes vers des valeurs plus chaudes, c'est-à-dire que dans un monde plus chaud de 2 degrés, les vagues de chaleur sont en moyenne 2 degrés plus intenses. L'effet dynamique désigne quant à lui les changements dans la circulation atmosphérique qui mènent à des vagues de chaleur. Même dans un monde en moyenne plus chaud, les extrêmes de température restent en effet des événements rares, et seule une combinaison bien particulière de mécanismes permet de dépasser des températures très élevées. Ma thèse porte sur ces mécanismes dynamiques qui mènent à des extrêmes de température. Je cherche à comprendre comment ils peuvent ou non changer avec le réchauffement climatique. Les vagues de chaleur observées dans le passé, notamment celle de 2003 qui a fait près de 15 000 victimes en France, nous permettent de connaître l'enchaînement habituel pour battre des records de température en Europe de l'Ouest. Pour une vague de chaleur très intense, il faut principalement deux éléments. Le premier est un printemps peu pluvieux qui rend les sols anormalement secs. Le deuxième est une bulle de haute pression centrée sur l'Europe. Ces hautes pressions dévient vers le nord les perturbations qui traversent l'Atlantique et nous amènent habituellement de la fraîcheur et de l'humidité océanique. On appelle une telle situation météorologique un anticyclone de blocage, et en été, elle est habituellement associée à un ciel ensoleillé et sans nuages. La combinaison de sol sec et de l'absence de nuages implique que l'énergie reçue du soleil n'a qu'un seul échappatoire, réchauffer les basses couches de l'atmosphère. Si cette situation persiste, alors des températures extrêmes peuvent être atteintes. En 1877, Tolstoï écrivait dans son roman Anna Karénine que toutes les familles heureuses se ressemblent, mais que chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Les vagues de chaleur qu'on a observées en Europe sont un peu comme les familles heureuses de Tolstoï. Elles se ressemblent toutes, car pour atteindre des niveaux très élevés de température, il faut que tous les éléments soient réunis. Si l'un d'entre eux manque, alors on échappe à des températures très élevées. Mais est-ce que cela est vrai de manière générale? Est-ce que toutes les vagues de chaleur possibles en Europe suivent vraiment le même scénario? Est-ce que le réchauffement climatique peut altérer cet enchaînement typique? C'est à ces questions que j'essaie de répondre dans ma thèse, en simulant sur ordinateur les conditions météorologiques d'un futur plus chaud. Le principal problème pour l'étude des vagues de chaleur très intenses, c'est que ces événements sont rares. Autrement dit, l'échantillon sur lequel on peut travailler est très faible. Même une simulation informatique du climat sur des temps très longs est insuffisante pour modéliser un grand nombre de vagues de chaleur très intenses. Pour résoudre ce problème, j'utilise des méthodes appelées algorithmes d'événements rares qui permettent de pousser la simulation informatique à faire apparaître davantage d'événements d'une intensité exceptionnelle. Ces événements sont toujours réalistes, c'est-à-dire qu'ils pourraient vraiment se produire. Mais il y en a beaucoup plus, ce qui permet de mieux comprendre leurs causes et leurs conséquences. L'objectif de ma thèse in fine est de mieux comprendre comment le réchauffement de notre planète modifie la circulation atmosphérique qui conduit à des extrêmes climatiques. Une meilleure connaissance de cette circulation dans un futur plus chaud nous permettra de mieux prévenir les impacts les plus graves des vagues de chaleur, à la fois sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines. Merci beaucoup Robin Noyal. Une réaction à ces travaux et une réaction peut-être que l'on peut élargir à une question ou en tout cas un problème, une problématique que soulevait tout à l'heure Isabelle Lajeunesse, c'est la question de la possibilité de prévision de ces vagues de chaleur ou en tout cas de ces sécheresses et de ces sécheresses extrêmes. Pour le moment, Agnès Ducharme, c'est encore assez difficile de prévoir. Oui, c'est difficile. Alors pour les sécheresses normales, ce qui rend la prévision difficile, c'est donc, tout dépend pourquoi on veut faire. Quand on est en mai, qu'on n'a pas eu de précipitations pendant tout l'hiver, on peut prédire sans trop de difficultés qu'on est dans une situation favorable à avoir des sécheresses en été. C'est le point où on en est maintenant, même un petit peu plus que ça. En revanche, s'il a plu normalement, qu'on arrive à cette saison, prévoir s'il va y avoir ou pas une sécheresse, c'est difficile. Ça implique de prévoir la pluie sur longtemps et ça, on ne sait pas très bien faire. Météo France fait des prévisions saisonnières, mais c'est qu'à l'échéance de quelques mois et avec quand même d'assez grosses erreurs, donc c'est un petit peu mieux que pile ou face, mais pas beaucoup plus. Voilà, et pour ce qui est des événements rapides, donc les sécheresses éclairs en particulier, ou les crues éclairs, ça nous amène dans les limites de ce qu'on sait faire en prévision à l'heure actuelle avec les méthodes dont on dispose, oui. Isabelle Lajeunesse. Oui, on a quand même trois dispositifs en France pour avoir une petite idée de ce qui est en train de se passer vis-à-vis de la sécheresse et des différents types de sécheresse. On a déjà l'Observatoire national des étiages qui va nous dire où est-ce qu'on en est des niveaux des cours d'eau. Après, on a le comité CASH qui est un comité d'anticipation et de suivi hydrologique qui là va cartographier dans l'espace français un petit peu où sont les risques pour identifier les territoires les plus à risque et peut-être renforcer le dispositif de gestion de crise pour aller juste au-delà de l'arrêté sécheresse. Et puis, pour la veille agroclimatique, on a un outil de modélisation qui s'appelle AgroMetInfo, où il y a 8000 points qui sont dispatchés dans toute la France et où l'INRAE, donc c'est notre institut de recherche agronomique qui lie aussi la partie eau, le petit E de INRAE c'est eau, et donc qui depuis 2019 suit ces 8000 points pour essayer d'anticiper les choses. En même temps, ce que disait très bien ce doctorant, c'est que pour des phénomènes nouveaux, pour les caractériser, eh ben, il nous faut des données, et les données, elles sont nouvelles, puisque les conditions passées, c'était des conditions avec d'autres conditions de réchauffement climatique. Donc, c'est toujours compliqué d'être sûr de là ce que l'on va prévoir dans l'instant, alors qu'on a peu de données et qu'on est dans un climat qui change tout le temps. Là, il est dans sa phase d'accélération, le réchauffement. Donc, les méthodes statistiques qui sont développées aujourd'hui, justement, sont là pour comment on fait pour caractériser ces nouveaux phénomènes qu'on croit être connus, puisque quand on parle de sécheresse, d'inondation, d'étiage, on a l'impression qu'on parle déjà de choses connues, et pourtant il y a des choses qui changent. Agnès Ducharme. Oui, les dispositifs dont vient de parler Isabelle Lajeunesse, pour moi ça relève de ce qu'on appelle les dispositifs d'alerte précoce. Donc il s'agit vraiment de suivre le déroulé des choses au moment où ça se passe pour pouvoir réagir très vite. Et donc par exemple dans le cadre des sécheresses, enclencher des dispositifs d'arrêter de prélèvement, etc. pour essayer d'empêcher les choses de s'aggraver le plus possible. Après, et c'est très très important, hein, donc c'est ce qu'on voit qui est en place en ce moment. La prévision, c'est un petit peu différent. Et puis, l'anticipation du changement climatique, c'est encore autre chose, c'est encore d'autres méthodes. Et donc, c'est ce que Benoît... Robin essaye de faire, voilà. Question tout de même sur cette répartition, si on revient à cette question des sécheresses éclairs, sur cette répartition géographique, donc on parle des États-Unis, on parle de l'Asie du Sud-Est, on parle de l'Australie. Isabelle Lajeunesse, comment se fait-il que pour le moment, c'est ce type de sécheresse très particulier est relativement limité géographiquement à certaines zones? Qu'est-ce qui fait que ce sont ces zones-là qui sont les plus touchées, les plus concernées? Alors, la littérature en ce moment n'est pas tout à fait sûre d'elle sur les moyens de l'expliquer, mais c'est lié à des positionnements atmosphériques, des anticyclones qui peuvent être assez, assez forts. Mais pourquoi est-ce que c'est là-bas en ce moment? C'est pour des raisons atmosphériques. Ça, c'est sûr. Ils sont en train de chercher pourquoi. Après, il y a peut-être d'autres façons aussi de leur façon de cultiver, parce que c'est quand même l'impact sur l'agriculture qui définit sur ces zones-là ce qu'on entend par sécheresse éclair par rapport à l'impact sur l'agriculture. Donc, moi, je m'interroge aussi sur la relation entre les deux. Est-ce que, alors pour le formuler différemment, Agnès Ducharme, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec les modifications climatiques, ce type d'événement puisse se déplacer et concerner d'autres zones du globe, notamment la France ou l'Europe? Moi, je pense que ça existe déjà, mais en France, on n'a pas l'habitude de le regarder avec ce prisme-là. D'une certaine manière, on trouve les sécheresses éclairs si on regarde sous le lampadaire sécheresse éclair. En France, c'est un vocabulaire qu'on n'a pas tellement l'habitude d'employer, mais parmi les différentes définitions des sécheresses éclairs, il y a une mise en place en quelques semaines. Bon, ben en France, il y a des sécheresses qui se mettent en place en quelques semaines. Elles existent. Après, la question de savoir si ce type de sécheresse rapide est lié, notamment fortement, comme on l'a dit, à des situations météorologiques d'air très sec et très chaud, risque de s'amplifier avec l'intensification du changement climatique. Moi, je dirais que la réponse est oui, parce que le changement climatique va amener à une multiplication de ces situations, y compris en France. Est-ce que tu... Robin Noyel, peut-être un point de vue là-dessus. Ce qui a été observé pendant la vague de chaleur qu'on a eue en 2019, donc quand des records de température exceptionnels ont été battus en France, avec près de 42 degrés par exemple à la station de Paris-Montsouris, notamment dans le Bordelais, c'est le fait que la température était tellement chaude et l'air tellement sec que les vignes n'ont plus été capables de faire de la photosynthèse et de se refroidir en émettant de l'eau par leurs feuilles. Et en fait, il y a eu un défoliage massif et très puissant qui fait que les vignes, en plein été, ont perdu toutes leurs feuilles vertes. Ils sont devenus vraiment, on aurait dit des vignes comme en plein hiver, quoi. Donc, cette espèce d'effet sèche-cheveux est peut-être déjà son observé, même si, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études en France sur ce sujet. Oui, c'est ce qui était évoqué dans le reportage tout à l'heure. Oui, Agnès Duchamp. Et ça renvoie à ce que disait Philippe Siet dans le reportage tout à l'heure sur le lien avec le cycle du carbone. Donc, en situation de fort déficit en eau, les plantes ne sont plus capables de transpirer, comme c'est en transpirant qu'elles assimilent le carbone. Donc, à ce moment-là, elles ont un déficit d'assimilation qui peut amener, comme protection, à perdre leurs feuilles. Isabelle Lajeunesse, vous vouliez réagir aussi? Oui, je suis dans une région viticole, alors je voulais réagir. Le phénomène de grillure, on l'a observé dans les étés précédents à certains endroits. Il y a le réseau national La Cave qui connecte toutes les personnes et tous les chercheurs qui travaillent sur la viticulture, mais également les chambres d'agriculture, etc., pour se connecter justement sur l'observation. Et le phénomène de grillure, il semblerait qu'on l'observe un petit peu plus et à certains endroits, et c'est effectivement lié à des vagues de chaleur. Donc il y a des choses que l'on observe aussi. Donc pour poursuivre ce que disait Agnès Ducharne, il va être important quand même de se pencher sur la question, de regarder les données, qu'est-ce qu'elles nous disent et est-ce qu'il y a des choses à prévoir, parce que par contre le GIEC vient de sortir son nouveau rapport, les laboratoires où sont les collègues qui ont parlé aujourd'hui suivent très bien les évolutions climatiques qu'on va avoir en France. Donc il y a peut-être moyen de regarder des choses quand même sur ces sécheresses-là et comment on choisit ensuite les plantes pour qu'elles soient plus résistantes justement à ces phénomènes. Alors justement, pour conclure, les solutions pour lutter contre ces sécheresses alors précoces ou éclairs, est-ce qu'effectivement il faut renforcer les plantes, il faut les modifier pour qu'elles puissent survivre à ces épisodes avec très très peu de précipitations? Est-ce qu'il faut surveiller, contrôler, encadrer également les prélèvements d'eau? J'entendais il n'y a pas si longtemps où je lisais que finalement dans ces cas de sécheresse, le premier consommateur d'eau, c'est les élevages intensifs de bétail, hein, puisqu'une vache peut boire jusqu'à 100 litres d'eau par jour pour une seule tête de bétail. Il y a des solutions qui apparaissent plus évidentes que d'autres selon vous, Agnès Ducharne? Je pense que le problème est suffisamment grave pour qu'on essaye de mettre en place toute une gamme de solutions. Il me semble que la plus importante, parce qu'il y a un réel effet du changement climatique sur un assèchement de certains climats, et notamment en France, toute la grande frange sud, et ça, c'est très bien documenté dans le dernier rapport du GIEC et dans un certain nombre de rapports du GIEC précédents d'ailleurs. Donc il est urgent d'agir d'abord pour lutter contre le changement climatique lui-même, des mesures d'atténuation, ça veut dire diminuer nos émissions en gaz à effet de serre. C'est pas nouveau malheureusement, mais ça se fait trop attendre. Et par ailleurs, dans le secteur de l'eau, vous parliez de la viande. Bon, c'est un secteur dans lequel on peut agir sur deux choses à la fois. Si on change de régime alimentaire, pas forcément totalement, mais juste à moitié, on mange moitié moins de viande et de la meilleure si possible, du coup, on va à la fois réduire les émissions en gaz à effet de serre associées et réduire les consommations d'eau. Voilà, il y a plein de solutions comme ça combinées. Isabelle Lajeunesse, en quelques mots. Oui, non, je disais, il y a deux niveaux. Il y a l'anticipation, et ça, il faut le faire dès maintenant avec les données que l'on travaille et comment on se prépare à ces sécheresses. Et puis après, il y a la gestion de crise. Et là, il y a des hiérarchisations. S'il y a du bétail, bah, c'est vrai qu'il peut mourir. La plante, c'est un peu compliqué. Le bétail, il va rester là pour plusieurs années. Donc, c'est deux choses différentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Isabelle Lajeunesse, je crois qu'un colloque bientôt à Tours, justement, vaut sur ces questions. Oui, tout à fait, merci. Climate Change and Water 2022, ça aura lieu à Tours, 31 mai, 1er et 2 juin, dans les locaux de nos universités. Et en fait, c'est un colloque international qu'on organise avec le réseau régional de laboratoires, hein, région centre, milieu et diversité, et des partenaires européens. Et c'est vraiment dédié aux gestionnaires de nos territoires et aux scientifiques, même si c'est en anglais, je sais qu'ils vont venir et c'est important parce qu'on n'en organise pas tant que ça en région sur l'eau et les extrêmes. On vous met les liens sur notre fil Twitter. Merci Isabelle Lajeunesse, merci Agnès Duchard, merci Robin Noyel, merci aux camarades de France Bleu Touraine pour le duplex. C'était Marie-Claire Boumabadi aujourd'hui à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur le tout nouveau site franceculture.fr et à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.